chevalier de la table ronde au père. Pex le fût de Pex, va le père, écrit mon texte dans des monastères. Gros légendaire qui signe des pactes austères. Nique la PAC, le ministère, devant Dieu qu'on se prospère. Chevalier de la table ronde au père. Pex le fût de Pex, va le père, écrit mon texte dans des monastères. Gros légendaire qui signe des pactes austères. Nique la PAC, le ministère, devant Dieu qu'on se prospère. Les étalons viennent chevaucher, on a des spoufs de chevaucher. Louis avec des bralons, c'est ma choucrée, pas des trêves ni de grèveux. Tu rêves pas de grève, lève-toi de là où les genoux grèveux. À la conquête du grand poule sur un bûcher des pédales, tu vas trébucher devant mon armée. Ouvrir ta pétale, lance des défis hardcore, même au corps à corps. On met tout le monde d'accord, mon gros a signé un accord. Charge les armes sur l'artillerie, le jour de gloire est arrivé. Place à la tyrannie, le dark débarque, sur nous les yeux sont rivés. Armée des pecs, calibre, la misère a forgé notre armure. On forme notre armature et récupère le trône d'Arthur. Faire pas mal de traite à l'eau, on balance les sous dans la rivière. Il décapite la tête de Sarko alias Lancelot. On a que la dame du lac, madame fille. On forme nos bataillons, méfions-nous et marchons. Que sperme et pure abreuve la fille. Les chevaliers de la table ronde au père. Pex le cul de Pex, va le père. Écrit mon texte dans des monastères. Gros légendaire qui signe des pactes austères. Nique la PAC, le ministère, devant Dieu qu'on se prospère. Chevalier de la table ronde au père. Débarquement massif, tu veux du classique. C'est du non-stop. On veut tout l'or de Fortnite. Pèse ton harem face à mes renégats. Les portes sortent. Sors les glocks et bon. Sa canarde à Rostov. L'arrivée néfaste, les flingueurs ont rappé. Gore. Bienvenue au Mordor. Top dans le hors-bord. Mets le pied à l'étrier chargé de phrases. Hors-nord. Mino Vegeta va cracher son tartare. Casser le cul du drague pour ça, pas besoin de Viagra. Vas-y, goûte ça. On ne fait pas dans la dentelle. Lâche mes nerfs, ma parenthèse à balle. Pour toi, c'est l'asphyxie. Face à mon archerie. Lourd et l'arceau, mes rats sont dégainés. Chirfi. Enfilez vos barbades. Car il pleut des rafales. Ça brûle les terres dans l'atmosphère et une odeur de cadavre. Les chevaliers de la table ronde au père.